Vous l'entendez, c'est rythmé, c'est cuivré, c'est un jazz festif. Claude Tissandier a été le pilier, la cheville ouvrière du grand orchestre de Claude Bolling pendant plus de 30 ans. Il se produit régulièrement à la tête de ses diverses formations sur les plus prestigieuses scènes françaises et étrangères. Et on a la chance, c'est vrai, de l'avoir cette semaine en Isère avec la rythmique de Laurent Courtois dans un répertoire se baladant entre Django Reinhardt et Duke Ellington. Donc ce vendredi avec Top Swing, Claude Tissandier, c'est à l'Atrium du Fontanil-Cornillon. Un rendez-vous en librairie à présent. L'auteur de Polar à succès, Michel Bussy, viendra à la librairie Passerelle le mardi 21 novembre pour présenter son dernier roman, Trois vies par semaine. L'histoire, un corps retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes, accident, suicide ou meurtre, c'est le spécialiste bien sûr du polar. À noter pour les amateurs de romans policiers, le festival Sang d'encre aussi qui aura lieu au Manège de Vienne les 25 et 26 novembre prochains. Michel Bussy donc à la librairie Passerelle à Vienne, ce sera le 21 novembre. De la vallée du Rhône à la Dent de Crolle, vous êtes bien sur France Bleu Isère. Cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Don't let me go. You got me drowning in a river of gold. vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère, ici, on parle d'ici. Le 16-18 France Bleu Isère. Nathalie Malochet. Bon après-midi à nos côtés sur France Bleu Isère. Avant 17h, pièce de musée à découvrir. Ce rendez-vous consacré, vous l'avez compris, au patrimoine local. C'est avec Nelly Gauthier qui prend la route chaque semaine. Nous faisons de belles visites ensemble entre musée et château. Et cette semaine dans un musée, dans le village médiéval de référence dans notre joli département, à savoir Saint-Antoine-l'Abbaye. En attendant, c'est de la musique qu'on vous propose. Paris Africa et des Ricochets. France Bleu Isère. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit. Elle se fout d'être mouillée comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau, qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser la terre mais pas définie. Je veux pas le monde, je veux pas déranger, comme un autre qui grandit loin des dunes d'Afrique, sans avoir à scruter, sans avoir à subir un ciel qui vous oublie, un ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je veux seulement jeter des bouteilles à la mer. Ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je la terre n'est pas des pluies. Je veux pas le monde, je veux pas déranger, mais juste un peu trop pour faire des ricochets, faire des ricochets. Je veux pas le monde, je ne veux pas déranger, mais juste un peu trop pour faire des ricochets. Dans l'indifférence et l'oubli, que le monde se réveille, il est temps qu'on agisse. Des ricochets. Le 16-18, France Bleu Isère. Le village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye est considéré comme un des joyaux incontournables du patrimoine rhône-alpin. Et c'est au cœur de ce village qu'on vous fait découvrir ce musée avec Géraldine Mosselin. Oui, alors bon, c'est un village qui est resté, je ne vais pas dire dans son jus, en tout cas, qui a une vraie âme. Or, c'est un village vivant, puisqu'il s'y passe énormément de choses. D'abord, il y a des habitants, bien évidemment, qui y vivent et qui le font vivre toute l'année à travers des manifestations diverses, culturelles ou non, d'ailleurs. Tout le monde monde est extrêmement attaché à faire vivre ce village, le site abbatial. On peut tout visiter ici à Saint-Antoine-l'Abbaye, en fait. Il n'y a pas que le musée, il y a plein de choses à visiter. Oui, il y a plein de choses à visiter. L'église abbatiale, bien sûr, le trésor aussi, à travers les visites proposées par l'Office de tourisme intercommunal. Puis, il y a donc des associations, comme je le disais, qui font vivre différents lieux. L'Association française des Amis des Antonins, entre autres, avec laquelle nous collaborons pour de nombreuses manifestations. Là, je vois quelques bustes qui sont bien sûr protégés. Il s'agit de qui ? Alors, ce sont des bustes reliquaires pour certains qui ont été déposés par la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye pour pouvoir les présenter au public de manière totalement sécurisée. Donc, on a par exemple Saint-Jean-Baptiste ou encore Marie-Madeleine. Voilà, donc ce sont des représentations tout à fait traditionnelles du XVIIe siècle pour rappeler justement ce qu'était ce trésor dispersé avec encore, il faut bien le dire, de très belles pièces, mais qui datent de l'époque moderne. Alors Géraldine Mosselin, là, un tableau quand même un peu unique, mais un tableau qui est fait quoi ? En bois, c'est ça ? Alors en fait, c'est un retable. Donc un retable, c'est un panneau qui pouvait être peint ou sculpté. Alors ici, il est sculpté. C'est un très beau retable, le retable de l'église de Fréquienne. Alors c'est pas du tout en Isère, même pas dans notre région. Donc là, nous sommes en Normandie et c'est un très beau dépôt du musée des Antiquités de Rouen que nous avons depuis 2012 et qui permet, alors c'est ici des scènes de la Passion du Christ et donc qui permet d'évoquer aussi ce qu'étaient ces retables. Alors l'église était très présente. Quand même. Alors l'église était omniprésente, bien évidemment, et là nous sommes dans la section effectivement qui concerne plus particulièrement les pèlerinages, puisque Saint-Antoine était un haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, mais aussi une voie, on va dire, ce qu'on appelle un diverticule, hein, une voie annexe des grands chemins de Saint-Jacques, notamment la voie qui reliait Genève au Puy. Alors nous cheminons vers le deuxième étage, donc nous sommes toujours dans le noviciat et toujours dans Chronique d'une abbaye, et donc là on va avoir effectivement des dates sur ces murs avec le nom de personnages illustres qui sont venus à Saint-Antoine, car il était important aussi de remettre en contexte chronologique les principaux grands événements qui ont marqué l'histoire des lieux. Par exemple, la visite du prince Zizim, fils du sultan ottoman. Oui, tout à fait. Il est venu à Saint-Antoine. Il a été accueilli par l'abbé. Il était escorté des chevaliers de Rhodes. Il faut dire qu'il était retenu captif, notamment pas très loin d'ici, à Rochechinard. La visite d'Anne de Bretagne, reine de France. Bien sûr. Oui, en 1494, effectivement. Et le dernier grand monarque, c'est François Ier en 1533. Là, on est au deuxième étage, continue cette visite. Là, on voit des outils. Alors là, ce sont des instruments chirurgicaux. Donc, c'est vrai qu'ils ont été, on va dire, reconstitués à l'échelle d'après un manuscrit voilà qui date du 15e siècle et qui explique ce qu'étaient ces instruments qui étaient utilisés effectivement par les chirurgiens pour pratiquer de très nombreuses interventions. Donc il y a par exemple les pinces d'Albucasis pour séparer les chairs lorsque l'on pratiquait l'ablation notamment eh bien de projectiles, hein. Donc c'était grandement utile. La fameuse scie, puisque, bien évidemment, les hospitaliers de Saint-Antoine, pas eux-mêmes, mais les chirurgiens qui travaillaient pour eux, pratiquaient des amputations, puisqu'on soignait les fameux malades du mal des ardents. Et bien évidemment, pour éradiquer cette maladie et essayer de sauver et de guérir le maximum de patients, dirais-je, eh bien, on pratiquait ces fameuses amputations. Et c'est ce que l'on voit sur cette reproduction d'une gravure célèbre que l'on doit à Hans von Gersdorff dans son traité de chirurgie militaire. Et donc il explique qu'il a pratiqué plus de 200 amputations dans la cour des hospitaliers de Saint-Antoine de Strasbourg. Depuis le 10 avril 2010, Saint-Antoine-l'Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France. On continuera notre visite dès demain avec Géraldine. Ici, c'est France Bleu Isère. Des Vals du Dauphiné aux passerelles du Monténard, en passant par le Grésivaudan. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé rien, je veux le voir avec toi. Je serai partout.

wonder one if Fanta meant to rain under the sun. I wonder one if Fanta feel rain with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, rain. Yes, I love you, rainbow. Never leave me, rainbow. You got to leave me, rainbow, rain. Please help me, rainbow. Bienvenue sur France Bleu Isère. Du théâtre antique au barrage du Sautet, de la chaîne de Belledonne aux terres froides, vous êtes bien sur France Bleu Isère. France Bleu Isère, ça va buller. Nathalie Malochet. Vous aimez le frisson, les sensations fortes, vous faire peur. Cette semaine, on vous embarque 4 invitations pour Halloween. De retour jusqu'au 5 novembre pour une nouvelle saison effroyablement amusante au parc Walibi aux Avenières pour vous accueillir le célèbre docteur mystique qui a agrandi sa maison hantée Anaconda juste pour vous. Votre jeu du lundi au vendredi à 11h. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a

Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoute et Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoute et Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Isère. Mercredi 18 octobre, vous écoutez France Bleu Isère. Merci à vous, il est 17h, on fait un point sur l'actualité. C'est avec vous Laurent Gallien. Bonsoir Laurent. Bonsoir, au moins trois procédures, trois signalements ont été faits en Isère concernant la minute de silence qui a eu lieu lundi en hommage aux deux enseignants abattus, Dominique Bernard et avant lui Samuel Paty il y a 3 ans. Trois signalements dans des établissements du sud du département dont a été saisi le procureur de la République sans précision sur ces établissements directement concernés. Une dizaine d'aéroports en région ont reçu des alertes à la bombe par mail aujourd'hui dans notre région. C'était le cas de l'aéroport d'affaires Lyon-Bron. Il a été évacué ce matin, tout comme les aéroports de Lille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Beauvais ou encore Bordeaux et Biarritz. Le trafic a repris. Après les levées de doute, évacué aussi et pour la troisième fois depuis samedi, le château de Versailles a reçu de nouvelles menaces. Le plan Vigipirate, on le rappelle, a été relevé au niveau maximum urgence attentat en France. Un niveau qui sollicite à nouveau beaucoup les policiers. Ils enchaînent depuis plusieurs années, mobilisés sur les mouvements sociaux, la Coupe du Monde de rugby, d'autres événements et maintenant donc la réhausse de cette alerte Vigipirate. Leur présence dans la rue est à nouveau renforcée et c'est difficile, au point que Brice Gageant, représentant du syndicat Unité FO SGP Police, décrit une forme de peur de l'erreur chez les policiers à cause de la fatigue. On a eu pas mal de fausses alertes à la bombe à gérer avant ce qui s'est passé et le déclenchement du conflit israélo-palestinien, qui a engendré dans la foulée un accroissement de l'activité des forces de voie publique, en l'occurrence une présence accrue au niveau des établissements scolaires, d'une présence également plus poussée au niveau des lieux de culte juifs. Tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait un surplus d'activité, malheureusement, dans un contexte où les collègues sont engagés depuis bien longtemps et la fatigue est bien présente. De toute façon, c'est la réalité. Quand vous êtes fatigué, suremployé, quand vous multipliez les missions, le facteur de commettre une erreur, il est exponentiel, donc il est là. Et j'ai envie de vous dire que malheureusement, les événements récents nous ont montré qu'on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. Et de prendre une mauvaise décision, bien sûr qu'on a sa pension. Ça s'accumule et je ne sais pas jusqu'où tiendront les troupes. Brice Gageant, représentant du syndicat Unité FO SGP Police à Grenoble au micro France Bleu de Mathieu Bonnour. 24 Français tués dans les attaques du Hamas et 7 disparus, plusieurs vraisemblablement otages. C'est le nouveau bilan français des attaques de l'organisation palestinienne en Israël donné aujourd'hui par Elisabeth Borne, la première ministre. Par ailleurs, Israël et le Hamas se renvoient toujours ce soir la responsabilité du tir qui aurait fait plus de 300 morts sur un hôpital de Gaza. Les analyses américaines disculpent Israël selon le Pentagone. Dans plusieurs pays arabes, Jordan, Liban, Tunisie, Syrie, des manifestations ont lieu en guise de protestation. La Turquie annonce qu'elle va respecter un deuil de 3 jours. Une avancée ce soir, Israël annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Un avis de recherche lancé par la gendarmerie en Nord-Isère pour disparition inquiétante. Micheline Herry, âgée de 82 ans, a quitté son domicile de Bilieu vers 17h hier à pied. Depuis, elle n'a pas regagné son domicile et reste introuvable malgré les recherches engagées. Atteinte de la maladie d'Alzheimer. Si vous l'avez aperçu, vous pouvez contacter la gendarmerie du Grand Lens. Description complète de la disparue, numéro de téléphone à composer sur francebleu.fr ou sur demande auprès de notre standard. Total, bonne nouvelle, va plafonner le prix de ses carburants à 1,99€ le litre encore toute l'année 2024. Annonce faite par Bruno Le Maire ce matin après un entretien avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné. La météo, Christophe. Oui, on attend de la pluie. Hein. Alors, ce sera cette nuit. Vous l'aviez annoncé hier. Oui, mais c'est un peu décalé. En tout cas, cette nuit, vallée du Rhône jusqu'au contrefort. Alors, attention, il y a une alerte orange, je le signale quand même. Drôme Ardèche, si vous devez vous rendre dans ces départements limitrophes. Exact. Faites attention. Ouais, demain, jeudi, le temps sera variable en journée. Le vent de sud deviendra tempétueux en soirée. Hein, et dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est vendredi qu'on a les gros shoots de pluie attendus. Donc, cette nuit, demain, ça reste tout de même même assez léger. Et puis beaucoup de pluie en pleine comme en montagne pour la journée de vendredi. Voilà les prévisions de Météo France. Il fait chaud, on est à vent de sud, hein. 24-25 degrés là cet après-midi sur Grenoble. Ce sera la même chose demain avec toujours des températures largement au-dessus des normales de saison. La route se porte très très bien ce mercredi sur Grenoble et agglomération, sur ce qu'on appelle l'Y grenoblois, que vous arrivez de Chambéry, de Sisteron ou de Lyon. Justement, Lyon, parlons-en avec la 43, c'est très bien là aussi dans le sens Bourgoin-Lyon, et à Vienne, on circule très bien également. Le 16-18 France Bleu Isère, Christophe Chardon. Et merci d'être avec nous. Une demi-heure où on parle de spectacle. Et si on chantait avec un stage vocal à Condrieu avec la chorale Nouvelle Légende, nous allons en parler avec Michel Sansouet. Dans un instant, on va présenter la chorale et puis durant les vacances qui arrivent, vous pourrez vous essayer à la chanson. Des places pour le concert de Ichon. C'est ce vendredi 20 octobre à 20h à la Belle Électrique à Grenoble. Je vous offrirai ces places à 17h30. Et puis Nicolas Lespaul et son collector, chaque jour, c'est vrai qu'on se régale avec Nicolas, il nous raconte les tout d'une chanson. Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion et Pour que tu m'aimes encore. On en parle dans 40 minutes de cette belle chanson de Monsieur Jean-Jacques Goldman interprétée par Céline Dion. Et dans un instant, après James Brown, c'est la chorale. Nous partons du côté de Saint-Clair-du-Rhône avec Nouvelle Légende. Et Michel Sansouet qui sera à nos côtés. James Brown sur France Bleu. Some Et James Brown sur France Bleu Isère. 16-18 France Bleu Isère. Allez, nous partons du côté de Saint-Clair-du-Rhône pour un stage vocal à Condrieu avec la chorale Nouvelle Légende. Et nous en parlons avec Michel Sansouet. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Avant d'évoquer ces stages, un petit mot de cette chorale. Alors, elle est pas toute jeune, a été créée en 1979, très exactement. C'est quoi, un chœur mixte? Voilà, alors c'est un corps mixte de 74 choristes qui chantent à quatre voix, mais pas seulement, c'est aussi un corps d'hommes qui est composé de 15 choristes et qui lui aussi chante à quatre voix sans partition, donc par cœur, ce qui permet d'agrémenter les chants de petites mises en scène pour être un petit peu sortir un petit peu du chant tout seul. Ouais. Vous avez pas mal de concerts tout au long de l'année, hein, ça marche plutôt bien. Oui, en moyenne on fait 10 à 12 concerts par an. Ouais. Dont le clou de notre année se situe à Saint-Clair-du-Rhône au mois de mars avec 6 concerts sur 2 week-ends consécutifs. Je vous invite d'ailleurs à noter les dates, hein, c'est les 2 premiers week-ends de mars. C'est ce qui fait le clou de la saison. Mais on fait aussi des concerts, pratiquement un par mois, notamment en janvier, on va en faire un à La Grand-Croix, pas très loin. On va en faire un en décembre aussi à Saint-Maurice-l'Exil. Et puis en juin à Saint-Clair encore, et puis peut-être d'autres. Le programme est relativement bien rempli encore cette année. Alors que chantez-vous, s'il vous plaît? Alors nous chantons des chants de la variété française récente, mais pas que. On chante aussi des classiques, hein, de la variété française pour que tous les publics y trouvent leur compte, les jeunes comme les plus âgés. Mais c'est majoritairement quand même de la variété française. Alors on est quoi ? On a consacré nos concerts par exemple à Jean-Jacques Goldman. Ouais. Cette année, ce sera Patrick Bruel. Alors on pourrait dire que c'est plus ou moins récent, hein. Patrick Bruel, ça fait quand même maintenant plusieurs décennies. C'est pas faux ce que vous dites. Voilà. Mais bon, oui, les grands classiques de la variété française, si vous préférez. Vous allez faire un petit tour des fois chez Aznavour, chez ces gens-là ou pas du tout? Ou plus? Absolument. Du tout? Absolument. Oui, bien sûr. On n'oublie pas non plus de chanter de temps en temps de l'Aznavour, voire même du Charles Trenet, hein, pourquoi pas. Ça ne nous gêne pas du tout. Il y a quand même des chants qui plaisent encore, même s'ils ont plusieurs décennies derrière eux. Alors, vous avez un éventail de chanteurs de 18 à 80 ans. C'est pas mal, ça. Vous touchez tout le monde. Oui, en effet, les choristes sont des personnes de tous âges et de tous horizons, majoritairement composées quand même de dames, hein, mais on a un beau pupitre d'hommes, un tiers de l'effectif, ce qui est relativement exceptionnel. Oui. C'est pas facile de trouver des messieurs pour chanter dans les chorales. Et nous, on y arrive. On a un pupitre d'hommes qui est tout à fait la bonne proportion. Vous voulez grossir encore ou vous êtes full, vous êtes complet? Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, je sens plutôt bien, j'ai plutôt une belle voix, est-ce que je pourrais pas les rejoindre? Eh bien, ça sera avec plaisir. Après, il faut aussi rester raisonnable, il y arrive un moment donné où l'effectif deviendra peut-être trop important. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. La chorale Nouvelle Légende a compté jusqu'à 90 choristes, je crois, dans le passé. Mmh. Et ça se passait bien, hein. Donc oui, on a encore de la marge. Et il faut penser aussi qu'il y a des nouveaux choristes qui arrivent chaque année, mais il y a aussi des choristes qui s'en vont. Donc c'est toujours bien de venir nous voir pour essayer, il n'y a pas aucun problème. Mmh. Et un des bons moyens pour essayer, justement, c'est le fameux stage dont on va parler. Vous êtes fort, hein, vous êtes formidable, Michel. Fameux stage, les 11 et 12 novembre. Je vous propose une courte pause de pub. Je vous propose d'écouter Stéphane et Ptika, ça c'est une nouveauté France Bleu, et de parler justement de ce stage qui aura lieu à Condrieu. Effectivement, je crois que le vin rouge, c'est pas mal pour avoir une bonne voix avant de chanter un concert. Je plaisante, bien évidemment. Ne bougez pas, Michel, et on revient dans un instant. C'est tellement tentant de griller un feu rouge pour gagner un peu de temps. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de percuter le piéton qui traverse. C'est tellement naturel de courir pour attraper son bus. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de ne pas voir la voiture arriver. Avec le SMAG et sa marque des mobilités M, que vous soyez à pied, à vélo, en voiture ou à trottinette, sur la route, il faut adopter les bons comportements. Ensemble, soyons attentifs aux autres et à notre environnement. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Le 16-18 France Bleu Isère. Eh ben on y va, c'est parti. Il est avec nous, c'est Michel Sansouet, pour évoquer ce stage les 11 et 12 novembre prochains, salle de l'Arbuel à Condrieu. Stage qui vont vous permettre peut-être eh bien de bien chanter, puisque c'est une chorale dont nous parlons, la chorale Nouvelle Légende. Alors Michel, qu'est-ce que vous nous proposez ces 11 et 12 novembre prochains à Condrieu? C'est un événement qui est traditionnel hein, depuis 2019 maintenant. Absolument, oui. Alors, en plus de ces 12 concerts annuels, Nouvelle Légende organise de manière maintenant récurrente, depuis 2019, un stage qui est ouvert à tous, hein, pas seulement les choristes, mais à n'importe qui pense, comme vous disiez précédemment, pouvoir chanter, sont aussi bien accueillis. Et alors, le but du jeu, c'est d'apprendre en 2 jours, même pas d'ailleurs, c'est plutôt 1 jour et demi, d'apprendre en un jour et demi 4 chants de la variété française récente, alors pour le coup, avec une méthode un peu original et des intervenants professionnels venant de la région bordelaise et qui viennent pour la 4e fois. Cet événement remporte un succès grandissant chaque année. L'an dernier, on était 110 choristes, ou enfin 110 participants, devrais-je dire, et cette année, un mois avant l'événement, on est déjà à 111. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose qui prend petit à petit, c'est une mayonnaise qui marche bien, qui fonctionne bien, à tel point d'ailleurs qu'à chaque fin de stage, les stagiaires nous disent « Bon, alors, quand est-ce qu'on se revoit l'année prochaine ?» Ouais. Il y a des professeurs qui donnent quelques tuyaux, comment ça se passe concrètement ? Oui, alors les deux intervenants, et surtout Christelle, qui est quand même une chef de corps professionnelle, effectivement, donnent des conseils durant le stage. Hein. Et puis, il y a aussi tous les choristes expérimentés qui sont là pour épauler ceux qui le sont moins. Mais en effet, oui, bien sûr, elle donne des conseils, même plus que des conseils d'ailleurs, parce que elle a une pêche d'enfer et elle est du style un petit peu directif quand même. Et donc, c'est vraiment très efficace d'une part pour apprendre à chanter. Et pour les chorales qui viennent avec nous, c'est très bien aussi parce que ça leur fait 4 chants à ajouter à leur répertoire. Comme oui. Nous d'ailleurs. Quand on fait partie d'une chorale comme cela et que l'on chante avec d'autres personnes, et là vous êtes pour le coup assez nombreux, qu'est-ce qui se dégage par exemple quand vous êtes sur une scène ou en répétition, une osmose, un l'unisson, comment dites-moi un peu s'il vous plaît? Oui, enfin techniquement c'est pas du tout à l'unisson puisqu'on est à 4 voix, mais comme je comprends ce que vous voulez dire. En effet, c'est les répétitions comme bien sûr les concerts, ce sont de très bons moments où finalement on oublie tout parce que pendant 2 heures de répétition, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire, ce qui nous empêche pas d'ailleurs de bien rire avec nos voisins de pupitre. Hein. Ouais, bien mais sûr. En tout cas, on travaille sérieusement autour d'un projet commun. Et le projet commun, c'est le concert. Et à la fin d'un concert, on a tous des étoiles dans les yeux. Quand est-ce qu'on pourra vous entendre la prochaine fois, mis à part ce stage que vous proposez les 11 et 12 novembre? Alors, la prochaine fois, vraiment, dans les meilleurs délais, ce sera le 3 décembre à Saint-Maurice-l'Exil, à l'Espace Aragon, à 16h. Je pense que ce sera plutôt dans l'après-midi. C'est un concert qui est au profit de la rénovation de l'église Saint-Pierre de Tarentaise, l'église du XIIe siècle de Saint-Maurice-l'Exil. D'accord. Ensuite, il faudra s'éloigner un petit peu, puisque le concert d'après, ce sera le 28 janvier à la Grand-Croix, ou peut-être à Saint-Chamond, on n'est pas encore fixé sur le lieu exact. Ouais. Et ça, ce sera le 28 janvier, après-midi. Et enfin, le clou de la saison, ça sera les deux week-ends de mars, j'avais dit tout à l'heure les deux premiers, c'est pas tout à fait vrai, c'est les deux week-ends qui commencent le 8, donc 8, 9, 10,

Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère, ici, on parle d'ici. Le 16-18 France Bleu Isère. Christophe Chardon. Allez, cadeau, hein, dans quelques secondes. Avant cela, je vous propose de prendre des nouvelles du ciel et de la route avec la pluie. Alors, annoncée hier par Météo France, mais qui n'arrive pas. En tout cas, elle arrivera mais cette nuit. Et puis alors, des températures, hein. 27 degrés relevés à 17h à Grenoble, 24 degrés à Saint-Alban-Roche, 19 degrés à Villard-de-Lans, 14 degrés à l'Alpe d'Huez. Cette nuit, ce sera bien pluvieux sur le Nord-Isère et sur la vallée du Rhône. Et demain jeudi, ce temps sera plutôt variable, c'est vrai, en journée, pas forcément beaucoup de pluie. C'est vendredi qu'on attend une journée très très pluvieuse, voire orageuse, avec des cumuls localement entre 15 et 20 mm en plaine jusqu'à 30-50 mm en montagne. Donc voilà, la grosse journée de pluie, c'est pour vendredi. Sur la route, on est un mercredi et franchement, ça roule super bien sur quasiment l'ensemble du département. En tout cas, les grosses artères ne sont pas bouchées par rapport à ce que l'on peut connaître parfois à certaines fins d'après-midi sur Grenoble Agglomération pour rentrer dans Lyon ou du côté de la vallée du Rhône à Vienne, qu'on salue. Vous voulez passer une belle soirée vendredi, franchement, emmener quelqu'un en lui faisant la petite surprise là tout à l'heure en rentrant, en lui disant chérie, j'ai deux places pour aller applaudir Ichon en concert à la Belle Électrique de Grenoble, c'est à 20h ce vendredi. Qui est Ichon? Écoutez ça plutôt. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, il y aura du vent, ce sera trop facile. Découvrez Ichon ce vendredi à la Belle Électrique. Je vous offre deux places si vous reconnaissez deux des trois chanteurs qui suivent. Si vous avez les trois, c'est bien là aussi. 2 sur 3 au 04 76 46 45 45. Bonne chance et à tout de suite, écoutez. Concert d'Ichon, vendredi, ce vendredi à la Belle Électrique à Grenoble. Si vous avez deux des trois chanteurs, bonne chance et bon courage. 04 76 46 45 45, c'est le numéro de téléphone du standard de France Bleu Isère, bien sûr. Voici Los Del Rio. Et si on se faisait tous ensemble, bien sûr, une Macarena. Oh, bah, carrément. Ah, bah, on est comme ça, nous. En fin d'après-midi sur France Bleu, on est comme ça. C'est la Macarena. I am not trying to do that. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so... Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Dance with me, and all you fellas chant along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Bon bah c'est bon, vous aviez la Corée hein, avec la Macarena sur France Bleu. Et nous sommes à la Côte-Saint-André. Tiens, le cœur de notre département de l'Isère. Anne-Christine, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, madame. Comment allez-vous, Anne-Christine ? Très bien. Oui. Je vais vous faire écouter trois titres, trois musiques. À vous de retrouver les groupes, les chanteurs, les chanteuses. Et si c'est le cas, vous repartez à la Belle Électrique pour applaudir le Ichon, le concert. Ce sera ce vendredi. Allez, c'est à vous, Christine. Alors, nous sommes avec qui, là, s'il vous plaît ? Bob Marley, ouais. En direct de la Jamaïque, sur France Bleu Isère. Attention, un autre. Qui est-ce ? Oui, c'est Reggae Night, mais je me rappelle plus du chanteur. Ouais. Je vous donne son prénom, vous me donnez son nom, ça vous va ? Oui. Jimmy. Jimmy Cliff. Ouais. Bravo, madame. UB40, UB40 pour les derniers spéciales reggae. Ouais, effectivement. Bravo à vous. Merci. Bravo à vous, passez un très bon moment. C'est valable pour deux personnes et c'est avec France Bleu Isère. On vous souhaite plein de bonnes choses, Anne-Christine, pour cette belle soirée à la Côte-Saint-André. À vous de même, merci. Merci, Christine. Au revoir. Au revoir. Voici Julien Doré avant de retrouver le collector de Nicolas Lespaul. Pour que tu m'aimes encore est une chanson chantée par Céline Dion, écrite par Jean-Jacques Goldman. Et vous allez en connaître les dessous dans un instant. Paris, Seychelles et Julien Doré. De sourire dehors. À Angoulême, un chasse-plis Melchior. Paris, Seychelles, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, lucre sereine, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. S'endort sur Seychelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses.

Let's Dance et David Bowie sur France Bleu Isère. L'info arrive dans 1 minute 30, ensuite Camp de base, l'émission où on parle de montagne. Ce soir, j'accueille Ariane Fornia pour son livre paru chez Suzac, Dans l'intimité des Alpes, découvrir les Alpes autrement. C'est un chouette bouquin et on va s'arrêter dessus d'ici quelques minutes maintenant, ne bougez pas. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. C'est tellement tentant de répondre à un message, même quand on est au volant. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de ne pas voir le cycliste tourner. C'est tellement agréable d'écouter la musique à fond en pédalant. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de ne pas entendre la voiture arriver. Avec le SMAG et sa marque des mobilités M, que vous soyez à pied, à vélo, en voiture ou à trottinette, sur la route, il faut adopter les bons comportements. Ensemble, soyons attentifs aux autres et à notre environnement. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Isère. Et nous sommes mercredi aujourd'hui, 18 octobre. Merci d'écouter France Bleu Isère. Il est tout juste 18h, c'est donc l'heure d'info, l'actualité, c'est avec vous Laurent Gallien. Rebonsoir Laurent. Bonsoir, trois signalements sont arrivés sur le bureau du procureur de la République de Grenoble de perturbation ou contestation des hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi dans les établissements scolaires. Un total revu à la hausse aujourd'hui par le ministère de l'Éducation qui fait état d'au moins 357 cas contre 179 annoncés hier. Les parquets de Vienne et Bourgogne-Jallieu n'ont pas été saisis selon nos informations. Une dizaine d'aéroports français en région ont connu des alertes à la bombe. Aujourd'hui, des alertes reçues par mail qui ont nécessité, dans le contexte de Vigipirate, renforcer des évacuations. Le plus proche de nous à avoir été concerné, c'est l'aéroport d'affaires de Lyon-Bron. Lille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Beauvais ou encore Bordeaux sont dans la liste. Le phénomène des alertes à la bombe qui n'est pas nouveau. On se souvient que le 5 octobre dernier, pas moins de 8 lycées de la métropole grenobloise avaient reçu des menaces. Mais depuis Arras, ces menaces se sont encore multipliées et Aurélien Tirard, elle sursollicite à chaque fois les forces de l'ordre. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel, une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois, des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leur bâtiment hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et ces auteurs de fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, promet ce soir le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. 24 Français tués dans les attaques du Hamas et 7 disparus, plusieurs étant vraisemblablement otages. C'est le nouveau bilan français ce soir des attaques du Hamas en Israël. Une avancée aujourd'hui, Israël annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Un avis de recherche pour disparition inquiétante lancé par la gendarmerie en Eure-et-Loir. Une femme âgée de 92 ans, malade d'Alzheimer, a quitté son domicile de Bilieu, près du lac de Paladru, à pied vers 17h hier. Depuis, elle est introuvable malgré les recherches engagées aujourd'hui avec hélicoptères et chiens en renfort. Description complète et numéro de téléphone à composer sur francebleu.fr ou sur demande auprès de notre standard. Des bonnes nouvelles pour le porte-monnaie. Le prêt à taux zéro va évoluer et concerner les classes moyennes et 210 villes de plus en France en 2024, annonce le ministère de l'économie. 5 de ces communes sont en Isère, Uez, Les Deux-Alpes, Villard-de-Lans, Mélan et Vienne qui seront donc concernés à partir de l'année prochaine. fonctionne aussi par le prêt à taux zéro. Et puis, autre information délivrée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire aujourd'hui, Total va continuer à plafonner le prix de ses carburants à 1,99€ le litre encore toute l'année 2024. Un mot de rugby pour vous dire que la composition du 15 de France féminin est tombée pour le tournoi international Women 15 qui commence samedi. Il y a 3 grenobloises parmi les titulaires. La capitaine des Bleus, désignée pour cette compétition, Mana Efeleou, Ambre Moyenbe, Alexandra Chambon, puis encore 2 grenobloises sur le banc au début de la rencontre, Léa Champon et Emmeline Gros. Elles brillent, les Amazones. La météo, Christophe. On va terminer cette journée avec de la chaleur. Hein. On notait 27 degrés à 17h à Grenoble tout à l'heure sous l'effet du feu, le vent de sud. Cette nuit, on peut avoir quelques pluies en vallée du Rhône et sur le nord du département, jusque les contreforts du Vercors. Demain, c'est variable en journée, nous dit Météo France, avec un vent de sud qui deviendra tempétueux d'ailleurs en soirée. Et c'est pour la journée de vendredi que la pluie est vraiment attendue. Ce sera très pluvieux, on attend entre 15 et 20 mm de pluie en pleine vendredi, 30 à 50 mm pour la montagne. Température toujours élevée, hein, au-dessus des normales de saison, demain jusqu'à 24 degrés en pleine et 26 degrés même sur le sud grenoblois. Le camp de base France Bleu Isère. France Bleu. Christophe Chardon. Ouais, tous les soirs, on parle de montagne durant cette émission jusqu'à 18h30. La montagne dans tous ses états. Hein. Hier, nous avions Tendi Sherpa, 14 fois, 15 fois l'Everest. On a passé un merveilleux moment à ses côtés. Ce soir, j'ai une écrivaine à mes côtés, Ariane Fornia, pour son livre paru chez Suzac, Dans l'intimité des Alpes. Découvrir les Alpes autrement, un livre qui nous apprend des choses tout en simplicité, je trouve, et c'est super plaisant. Bonsoir à vous, Ariane. Bonsoir. Grenobloise. Désormais, depuis oui. Depuis quelque temps. Exactement. Dromoise d'origine, mais l'attrait des Alpes était trop fort, et désormais grenobloise. Il y a un massif qui nous relie entre la Drôme et l'Isère, bien sûr. Évidemment, le Vercors, la merveille absolue. Ce sera toujours mes montagnes. Ouais. Votre désir est tout comme Lionel Terray, le Grenoblois pénétré au cœur de nos montagnes et escalader ses sommets. Cette phrase, vous voulez l'approprier ? Complètement. Alors, je suis une alpiniste modeste, surtout quand on pense à votre invité d'hier. Je ne joue pas dans la même catégorie. Mais en tout cas, en rêve, en imaginaire, en fantasme, je ne cesse d'aller sur les plus hauts sommets des Alpes. Et dans ce livre, Dans l'intimité des Alpes, j'ai voulu rendre hommage à l'ensemble de nos massifs à travers des légendes, des anecdotes, des images. C'est ce qui est plaisant. Merci beaucoup. Ces anecdotes, mais alors franchement, hein, très sincèrement, c'est très très plaisant. Il y en a une à chaque page, accompagnée, vous l'avez dit, de photos, d'illustrations. Ce sont quasiment à 75% vos photos. Oui, exactement. Nous avons essayé de donner la priorité à mes photos, puisque cela fait des années que j'arpente les Alpes avec bonheur. Et quand cela n'était pas possible, quand je n'avais pas pu aller à l'endroit ou que j'y étais allée dans un brouillard à couper au couteau, parce qu'on le sait, les Alpes sont imprévisibles, eh bien ce sont les photos d'autres. Ouais. Quelle est alors... C'est pas une question piège. Quel est le massif isérois ou en bordure d'Isère, hein, parce qu'on va intégrer nos amis savoyards qui vous aiment le plus? Alors, c'est très difficile parce que là, vous êtes en train de me demander de choisir entre mes enfants. Mais je vais quand même répondre. Les écrins au sens large, c'est-à-dire Oisans et tous les massifs, parce que je trouve que c'est absolument exceptionnel qu'on ait cette diversité, cette richesse, ce terrain de jeu exceptionnel aux portes de Grenoble. Et à chaque fois que je vais dans le massif des écrins, vous allez vous moquer de moi, mais j'ai très souvent les larmes aux yeux. C'est-à-dire que j'arrive je comprends, un point madame. De vue, un panorama, et je me dis, on a tellement de chance. Alors c'est... quoi, vous montez la Bérarde, Saint-Christophe, vous passez par où, la Grave? Oui, alors ma plus belle expérience en alpinisme à ce jour, ça a été l'ascension de la Meije orientale avec la nuit au refuge de l'Aigle à 3400, au-dessus d'une mer de nuages, voir le coucher de soleil avec la Meije devenir rouge incandescente. Voilà, ce sont des expériences comme ça. Je trouve que la montagne, cela donne à tout le monde la possibilité d'accéder à une forme de divin, en fait. Quand on est là au sommet par-dessus la mer de nuages, je pense que tout le monde se dit je suis en tête-à-tête avec Dieu. Et c'est ça l'unicité, là. La puissance de nos Alpes, et c'est à portée de main. À Grenoble, on sort, c'est à côté de chez nous. C'est à côté de chez nous. Et ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui le ressentent quand ils vont en montagne, bien sûr. Donc, tout vous émeut, un coucher de soleil, une plante, une vue, un ruisseau, tout vous prend aux tripes en montagne? Oui, alors, il y a quand même dans ce livre de l'humour et du décalage. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a beaucoup de lyrisme et d'amour, parce que tout m'émeut et que j'ai une véritable religion de la montagne. Oui. Mais on a le droit de se moquer un petit peu aussi. Oui. Par exemple, on est à Grenoble. Dans ce livre, je parle des grelots, bien évidemment. Exactement. J'allais m'arrêter sur cette page, ça tombe bien. Alors, un grelot, c'est un... C'est un grenoblois stéréotypé. C'est quelqu'un qui a des mousquetons à son sac. Je dis ça, je ne sais pas si vous avez vu mon sac à dos. J'en ai un, parce que c'est vachement pratique quand même. C'est ça. Qui n'hésite pas à se balader avec une doudoune quechua, parce que c'est super chouette et c'est versatile. C'est ça. Qui est accro au dénivelé. Quand on lui parle d'une rando, il dit combien de D+ ? Voilà, ça, c'est le grelot. Ouais, c'est celui qui, avant d'aller au travail à 8 heures, a déjà fait une sortie de ski de rando. Oui, ou alors une petite montée à la Bastille en trail. C'est ça. Tranquille. Alors, vous ne savez pas si bien dire, je suis originaire des Aravis. Voilà, c'est en Haute-Savoie. Et j'entendais mes oncles et mes tantes parler, mais à chaque fois, le 15 décembre, de « ils vont arriver les monchus ». Qu'est-ce qu'un monchu ? Ben, les monchus, c'est... En fait, c'est nous, finalement. Hein. C'est les non-savoyards qui débarquent et qui arrivent et qui n'ont pas mis leurs pneus neige et qui ont leurs pneus lisses. Et dans le premier virage, blam ! Petit genre, j'ai vu des pneus neige mis à l'arrière, moi, sur une traction. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, non, mais le monchu est créatif. Il est créatif. Mais on l'est tous. Et puis, on a tous été monchus. Moi, franchement, première sortie en alpinisme, première sortie en escalade, j'ai vraiment fait des trucs de monchu. Ouais. Le monchu, c'est le gentil idiot de la montagne, mais il est là pour s'améliorer. Oui, donc il y a de l'humour. Mais j'aimerais vraiment votre livre, je trouve ça vraiment bien. Merci un livre beaucoup. Où vous nous apprenez beaucoup sur le milieu montagnard. Par exemple, le chardon bleu peut vivre jusqu'à 100 ans. Le chardon bleu, on l'appelle la reine des Alpes. Et si vous voulez voir les plus belles prairies de chardon bleu, c'est au jardin alpin du col du Lautaret. C'est exceptionnel. Et en plus, vous avez le chardon bleu enchâssé dans un nid de montagne. Vous voyez la Mège, le chardon bleu, c'est magique. Ouais, c'est magnifique. Vous nous donnez des noms également, alors qu'on connaît quand on habite dans les hameaux en montagne, les noms de montagne, l'aiguille du diable, le lac des sirènes, le mont pourri, bien sûr. Lance-branlette. Mais qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est génial, hein. Parfois, ça vous est déjà arrivé. C'est quoi, c'est un sommet? C'est un sommet. D'accord. Le sommet de Lance-branlette. Vous baladez en montagne et vous tombez sur des noms sur incroyables. Des noms, et en plus, ce qui est génial, c'est que vous savez comment s'appelle le sommet voisin de Lance-branlette? Non. Le Gros Saxe. D'accord. Et on est où, là? On est en Suisse. Ah. Et en fait, Saxe, c'est Saxum, c'est la pierre, c'est du latin. Ouais. Et je vais beaucoup vous décevoir. La Lance-branlette, en fait, c'est de la ciboulette. Tout simplement? Tout simplement. Qu'on mange avec de la salade? Exactement. Qu'on met dans nos bons petits plats, c'est ça? Vous pourrez dire ça la prochaine fois qu'on vous sert de la ciboulette. Très bien. Alors, quelque chose qui m'a déçu. Je suis vraiment désolé. Étant originaire des Aravis, capitale du Reblochon. J'ai manqué de respect au Reblochon. Il faut le savoir. Paraît-il que dans les Bauges, on peut, avec nos amis de Tamiers, nos moines de Tamiers, faire des choses que l'on peut faire avec le Reblochon? Et je vous avoue, je les ai beaucoup aimés, les moines de Tamiers. Ouais. Ils sont géniaux, ils sont à côté d'Albertville. Donc on est dans les Bauges. On est à côté d'Albertville. Oui. C'est pas exactement les Bauges, mais c'est tout près. Et on est dans cette vallée perdue. Et ils sont là, et vraiment ils sont touchants, parce que ils ont cet idéal de simplicité. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont installés là. Ils accueillent tout le monde, ils ont leur église extrêmement sobre, accueillante, ils sont gentils. Et quand ils vous servent du tamier, hein, vous êtes prêt à trouver que ça ressemble à du reblochon. D'accord, bon allez, sur ce coup-là, ça va, je passe. On va continuer à parler de ce beau livre. On le trouve où, à la Fnac, par exemple? On le trouve à la Fnac, Cultura, Amazon. Malheureusement, en ce moment, plus dans toutes les librairies, parce que le premier tirage a été épuisé, mais sur le net... Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais il va revenir. Et puis, bien sûr, sur le net, tous les vendeurs habituels. On continue à en parler dans un instant, dans l'intimité des Alpes, découvrir les Alpes autrement. Ariane Fornia, la nouvelle Grenoble. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. et on en parle dans un instant, bien sûr. Ne bougez pas. Voici la balade de Jim et Alain Souchon. Les amoureux de la montagne se retrouvent au camp de base France Bleu Isère. Come and it's Souchon avec la balade de Jim sur France Bleu. Le camp de base France Bleu Isère. Le rendez-vous des amoureux de la montagne. Oui, avec un très beau bouquin ce soir. Vous le trouverez, alors j'espère il reviendra parce qu'il a été épuisé. Donc ça veut dire que c'est plutôt sympa. Dans l'intimité des Alpes, découvrir les Alpes autrement. Ariane Forniak est avec nous. Une page, un sujet et parfois des sujets humoristiques agrémentés de photos. Super bien. 1492, on découvrait l'Amérique. Et on découvre le roi du Vercors, le Mont Aiguille. Exactement. Notre Amérique à nous. C'est alors considéré comme les débuts de l'alpinisme. Complètement. Carrément. Et c'est vraiment ce qui est fascinant avec la découverte du Mont Aiguille, c'est que tout le monde se projette sur ce qu'il y a là-haut. Certains imaginent que c'est un paradis, un morceau du jardin d'Éden qui est resté sur Terre. D'autres disent au contraire que c'est la bouche des enfers. Et il faut imaginer ce chevalier Antoine de Ville, envoyé par le roi de France, mandaté avec ses échelles, ses cordes, ses moyens de briques et de brocs, qui arrive sur la plaine sommitale au milieu des bouquetins. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça vaut bien la Effectivement. Il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. À la descente, il y a un bon petit rappel qui est plutôt sympathique. Qui est sympa, hein. En fil d'araignée, où on est suspendu comme un saucisson dans les airs. Exactement. Il y a des beautés un petit peu partout dans nos montagnes. Les Alpes du Sud, vous aimez beaucoup? Je suis folle des Alpes du Sud, notamment grâce à son arbre magique, le mélèze. C'est un des seuls résineux qui perd ses aiguilles. Et du coup, avant d'être tout nu, il devient incandescent en automne, le mélèze orange. Honnêtement, il y a de quoi croire en Dieu. Le mélèze que nos amis charpentiers et menuisiers adorent, puisque c'est un bois qu'on peut mettre en extérieur. Oui, et donc bien. C'est absolument magnifique et formidable. Y a-t-il des alpinistes qui vous touchent ou qui vous ont touché, des légendes? Ah, vous avez parlé tout à l'heure de Lionel Terray. Lionel Terray, c'est difficile de ne pas être ému quand on lit Les Conquérants de l'Inutile. Oui. Et puis, je suis un peu amoureuse de Walter Bonatti, parce que quand même, ce type, il a sauvé tellement de gens en montagne. C'est incroyable. C'est une légende. Walter Bonatti est une légende, bien évidemment. Jean Giono a écrit que, et cela va parler aux montagnards isérois qui nous écoutent, tout le bonheur des hommes est dans de petites vallées. Et vous saviez à quel sujet il écrivait ça? Non. Il parlait du Trièves. Oui. Voilà. Effectivement. Et donc nous à Grenoble, et moi en tant que Dromoise, le Trièves, c'est un peu le trait d'union. Bon, le mont Aiguille est en Isère, mais on a des super balcons aussi côté Dromois. Et le Trièves, c'est cette bascule entre les Alpes du Nord et du Sud. C'est merveilleux, Jean Giono a raison. Oui. Dans ce livre, est-ce que vous parlez un petit peu de tradition? Énormément, bien sûr, parce que les Alpes, c'est fabuleux, ce sont des capsules temporelles, ce sont des endroits où les traditions culinaires, de costumes, d'architecture sont préservées, et c'est cette authenticité des Alpes fait aussi leur identité d'un bout à l'autre de la chaîne alpine. Ouais, les refuges, vous les pratiquez, vous y allez? J'adore les nuits en refuge. Je trouve ça absolument génial, ces dortoirs remplis de gens où on est soudain en totale intimité avec plein d'inconnus, et on sait que le réveil va sonner à 3 à 4 heures du matin. Certains, oui. C'est des super expériences. Ouais, on les voit, hein, vos refuges. Alors certains qui ont un super design, vous nous les montrez. Il y en a qui sont acrobatiques. Hein, il faut y aller quand même jusqu'en haut pour certains. Moi, je vous parlais tout à l'heure du refuge de l'Aigle. Il est génial. Il est suspendu sur son rocher au-dessus du glacier. Récemment aussi, j'ai eu un vrai coup de foudre pour la cabane Berthold à Arola dans les Alpes suisses. Ouais. Même schéma. Ce sont ces espèces de refuges funambules où on se dit mais comment ils tiennent là? C'est merveilleux. C'est magnifique. Vous les voyez, hein, ces refuges dans le livre d'Ariane Fornia, dans l'intimité des Alpes, découvrir les Alpes autrement. C'est une belle idée de cadeau de fin d'année pour Noël, moi je trouve. On apprend beaucoup de choses. C'est ludique en fait, voilà, c'est ludique. Merci. Votre livre est ludique. On va appeler Charles-Éric dans un instant, que vous avez rencontré. Il va nous parler de son coin aussi, c'est pas mal. On va passer le col du Lautaret et on va redescendre juste derrière. Derrière, c'est quoi? C'est Serre Chevalier. Et on en parlera avec lui après la courte pause que je vous propose et après avoir écouté Pascal Obispo. Sur France Bleu Isère, respirez l'air de la montagne. Pourquoi préférer MAF Pro? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà.